Wahrheit ist seine Botschaft. Et sa vérité, ou bien sa, sa parole est sa vérité. Praise the Lord. Son message est la vérité. Amen. His truth is not, you know, the one spirit revealed it to you. Seine Wahrheit ist nicht, dass irgendein Geist dir irgendwas offenbart. Et sa propre vérité, ce n'est pas qu'un esprit te révèle quelque chose. It is the true gospel of Christ. C'est le wahrhaftige Evangelium de Jésus-Christ. Das ist die Wahrheit. Mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est ça la vérité. Praise the Lord. Amen. And that is how we have relationship with him. Und so haben wir Beziehung mit ihm. Et c'est comme ça nous avons la relation avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. And that is the new prophecy. Und das ist die neue Prophezeiung. Et c'est ça la nouvelle prophétie. You know, the old prophecy was all about the flesh. It has been all about the flesh, the old prophecy. It's about you, how you are going to live this here on earth. Es ging um dich, wie du auf dieser Welt lebst. Et l'ancienne prophétie a été sur l'avenir, donc on t'a toujours dit comment tu vas vivre ici sur terre. The new prophecy is about your relationship with Christ. In der neuen Prophezeiung geht's um deine Beziehung mit Christus. Mais dans la nouvelle, il s'agit de ta relation avec Jésus-Christ. Everything works through relationship with him. Fonctionne durch Beziehung mit ihm. Et tout fonctionne à travers sa vérité, sa relation avec lui. Again, example, parents and children. Everything works for that little child through his relationship with the parents. Alles fonctionne für dieses Kind durch die Beziehung mit ihren seinen Eltern. Comme par exemple dans la relation avec les parents et les enfants, tout fonctionne à travers la relation entre les enfants et les parents. The little child is there with them. They're living there, not visiting there, living there. Und das kleine Kind ist bei ihnen, es besucht sie nicht, es wohnt bei ihnen. Et l'enfant petit, il vit dans la maison de ses parents et c'est pas qu'il visite ses parents. And they know the right time to feed that child. Und sie wissen, wann es an der Zeit ist, to clothe that child. Is it winter or summer? They know the time. Winter oder Sommer, sie wissen, wann es an Are you Zeit getting ist. It? Et les parents, ils savent quand s'occuper de l'enfant, quand lui habiller, quand c'est l'hiver, quand c'est l'été, donc ils sont au contrôle de tout. Praise the Lord. Hallelujah. This ministry, G, is completely Christ's word alone. Amen. Diese Gemeinde, Grace the Rosa Ministries, ist Christus Jesus, sein Wort. Et ici, cette église, c'est seulement la parole de Jésus-Christ. Rejecting it or ignoring it is flesh and death. It's flesh and thought. Et quand tu ignores la vérité, tu rejettes le message ici, c'est là où tu produis la mort et la chair. Because it is rejecting the truth. It is rejecting Christ. Parce que c'est là où tu rejettes la vérité, tu rejettes Jésus-Christ. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Amen. Our victory are never from here. Unser Sieg ist niemals von hier, von Erden. Et notre victoire, ça ne vient pas ici de la terre. Amen. The Lord, you know. Our victory, none of his children's victory are ever from here. Unser Sieg ist nicht von der Welt. Kein Sieg der Kinder Gottes ist von der Welt. Amen. Et oui, notre victoire, ça vient pas de ce monde, parce que notre victoire, c'est toujours céleste et pas terrestre. If you see his servant, even if you know his servant, their victory, they were not from here. They were all from heaven. Et même dans l'ancien, on pouvait voir que les servants de Dieu, leur victoire était toujours céleste et pas terrestre. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we always expect the victory, our victory coming from here. Wir erwarten, dass unser Erfolg von Erden kommt. Et c'est triste qu'on attend toujours que notre victoire vienne ici de terre. Wait and see the hand of the Lord. Warte und sehe die Hand des Herrn. Attends et vois la main de Dieu. Amen. Amen. You know, Joseph's victory was not from here. Der Sieg von Joseph war nicht von hier. Are you getting it? La victoire de Joseph n'était pas ici. If your victory is from here, then you know it's not from the Lord. Wenn dein Sieg von hier ist, dann weißt du, dass es nicht vom Herrn ist. Et si ta victoire est trouvée ici sur terre, là tu sais que ça ne vient pas de Dieu. The three Hebrew boys, their victory was not from here. Die drei hebräischen Jungs, ihr Sieg war auch nicht von hier. Et même la victoire des trois de trois hommes hébreux, ça venait pas de Oh Daniel, just name them. Même Daniel. Praise the Lord. Oh, even Moses. Auch Mose. Même Moïse. Is somebody getting something? Mm-hmm. Amen. Yeah. You know, Moses did not look for boat to cross the sea. But the people will look for boat. Das Meer zu überqueren. Et Moïse il n'a pas cherché un bateau pour pour surpasser ou bien traverser les eaux ou la mer. Amen. Mm-hmm. You know, sometimes it's good to look for boat so that you know that boat cannot even carry you. Manchmal ist gut to cross the sea. Nach einem Boot zu suchen, um dann zu erkennen, dass das Boot nicht ausreichen wird für die Reise. Et parfois c'est même bien que tu cherches un bateau pour voir que ce bateau ne peut même pas te porter et peut te faire traverser sur la mer. We don't need what they need. Wir brauchen nicht das, was sie brauchen. On n'a pas besoin de ce que l'homme a besoin. We already have what we need. Wir haben schon das, was wir brauchen. Nous avons déjà tout ce que nous avons besoin. And that is Christ Jesus. Et ça c'est Jésus Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Our answers are heavenly answers. Unsere Antworten sind himmlische Antworten. Nos réponses sont des réponses célestes. None of them is coming from here. Keine von ihnen kommen von hier. Et nos réponses ne viennent pas d'ici. Reply to us, they are all heavenly reply. Antworten, die wir bekommen, sind himmlische Antworten. Et toutes les réponses qu'on reçoit, ce sont toujours des réponses célestes. Whatever solution we need, they are not coming from here. The earlier we know that, the better for us. Aucune solution que nous avons besoin, ça ne vient pas d'ici, mais ça vient toujours du ciel. Philippians 4, please. Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Daddy, thank you. Philippians 4. Philippians 4:19. He said, "But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus." Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Our victory, they are not coming from here. And that's why you know we want to look for it here. But they are not coming from here. Hier, wir wollen die Lösung dieses Sieges hier auf Erden suchen, aber kommt nicht von Erden. 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc on peut voir que notre victoire n'est pas mondaine. On ne peut pas trouver notre victoire ici sur terre. Mais notre victoire est toujours céleste. Ça vient de Jésus-Christ du ciel. Praise the Lord. Let us stop looking for wealth, for things where we cannot even get there. Lass uns aufhören, dort zu suchen, wo es nicht zu finden gibt. Et on doit arrêter de chercher notre victoire dans les endroits où on ne peut même pas trouver notre victoire. Amen. The manifestation of our victory. Die Manifestation is coming from heaven. Kommt vom Himmel. La manifestation. Everything they are coming from there. Alles kommt von dort. For God's children. Für Kinder Gottes. La manifestation de notre victoire, ça vient toujours du ciel à travers de Jésus-Christ. Again, remember Jesus feeding thousands. Erinnert euch daran, Jesus, der Tausende satt gemacht hat. Rappelle-toi à Jésus-Christ qui a nourri 5,000 personnes. We are so used to here. Now we always want things to be done like that. Wir sind so gewöhnt an das irdische System, dass wir wollen, dass die Dinge dann auch so geregelt werden. Et nous sommes tellement on est des reminders du système mondain que nous on attend toujours des résultats mondains. Nous avons une erinnerung an Himmel. On doit être toujours rappelé du ciel. You know, when he brought this message, I said, this testimony, when is it going to finish? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, we need it. Amen. We just need it so that our focus will come back. Und ich habe mir gedacht, als der Herr diese Botschaft gebracht hat, aber wann werden wir die Zeugnisse so zu Ende bringen? Aber der Herr hat gesagt, wir brauchen es, dass unser Fokus wieder zurück auf ihm ist. Et quand le message est venu, je me suis demandé, est-ce qu'on va finir avec on va finir avec le avec nos témoignages, mais Jésus-Christ a dit non, tu dois prêcher ce message pour que notre consolation soit maintenant à sa retourne aux cieux. You know, Jesus fed the thousands. Jesus, if it is way today, for example, thousand, we calculate how much bread to buy. Wenn wir ausrechnen, wie viel Brot wir kaufen müssen, wo wir es kaufen, wie viel es kostet, wie wir es herbringen. Et si nous, par exemple, on se trouve dans la position où on doit, on doit nourrir 5000 personnes, on va commencer à calculer combien de pain, combien de poissons on doit acheter. Donc, nous sommes complètement censés. Donc, notre sens est toujours mondain et pas céleste. You know, if you look at Jesus, told the disciples, he said, you feed them. You don't need to send them away, you feed them. They say, hey, how are we going to feed them? You know how many there are? What do we have? We don't even have anything. What do we have? Jesus said, feed them, because he knows they are of the flesh. He knows man so much. He knows that man is always. He wants our focus to be him. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, speist sie, gibt ihnen was zu essen. Und die Jünger waren überrascht und haben sich gedacht, aber woher sollen wir das ganze Essen auftreiben, diese Leute satt zu machen? Aber Jesus kennt das Herz der Menschen, kennt ihre Wege, dass es so irdisch gesinnt ist und nicht himmlisch gesinnt. Et on peut voir dans la Bible, quand Jésus-Christ, quand il y avait 5000 personnes qui avaient faim, Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est vous qui vous appuyez. C'est vous les gens qui vont nourrir, qui vont nourrir les 5000 personnes, mais ses disciples ont dit, mais tu as vu comment les gens, combien ils sont, on a seulement 5 pains et 2 poissons, et ça montre que Jésus-Christ il connaissait aussi le corps de l'homme, c'est ça pour quand même il a pointé le doigt sur leur corps pour montrer qu'ils sont toujours censés mondaines. Leur sens est toujours charnel. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. From verse 14. John 14, Matthew 14 from verse 14. Matthäus 14, Vers 14. Matthieu 14, verset 14. And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion towards them. And he healed their sick. Verse 15. And when it was evening, his disciples came to him saying, this is a desert place and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. Verse 16. But Jesus said unto them, they need not depart. Give ye them to eat. You feed them. They don't need to go. Praise the Lord. Après quand les disciples voulaient renvoyer la foule, Jésus-Christ a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Verse 17. And they say unto him, we have here but 5 loaves and 2 fishes. Just a little boy's meal. Mittagessen für einen kleinen Jungen. Donc c'est un repas. D'un petit garçon. And he said, bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass and took the 5 loaves and 2 fishes and looking up to heaven. Praise the Lord. Amen. Amen. We did not look here, but heaven. Donc, Jésus-Christ, il n'a pas mis ses yeux ici sur terre, mais il a levé ses yeux vers le ciel. Amen. Amen. He blessed and break and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. Verse 20. And they did all eat and were filled, and they took up of the fragments that remained. 12 baskets full. Praise the Lord. Amen. Imagine if Jesus is doing things like us today. Imagine they all run away. You'll be so hungry and some even die before the money comes, before the bread comes. Because the bank will say no. Und die Bank hätte Nein gesagt, und hätte ihnen das Geld gegeben für das Brot. Et oui, si Jésus-Christ était censé comme nous là, il pouvait même être oui, fâché ou bien il allait avoir peur parce que la banque a dit non pour, oui, pour leur donner l'argent. Voilà. Praise the Lord. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont mourir parce que. Amen. Praise the Lord. Whatever we are going through or facing today, they are our testimony. Amen. Amen. Let us thank Jesus. And thank Him that our victory is not from here. Und ihnen danken, dass unser Sieg nicht von hier kommt. Dann merci que notre victoire est pas ici de terre, de la terre. From heaven. Amen. Que ça vient du ciel. Amen. Praise the Lord. Amen. Because if it is from here, amen, Abraham will not have anything to hope for. Abraham was still having heaven to hope for. Is somebody getting something? Wenn es von hier wäre, dann hätte der Abraham nichts mehr, worauf er hoffen konnte. Et si notre victoire venait de, oui, de la terre, là, Abraham ne pouvait pas avoir l'espérance. Amen. Praise the Lord. Amen. Abraham hope. He hoped for something that man cannot see. Abraham hat auf etwas gehofft, was der Mensch nicht sehen konnte. Et Abraham a espéré sur quelque chose que l'homme ne pouvait pas voir. God's word was enough for him. Das Wort von Gott war genug für ihn. Mais la parole de Dieu a été assez pour lui, suffisant pour lui. So shall your seed be. That was his hope. Das war seine Hoffnung. Telle sera ta postérité. He believed his promise. Er hat an das Versprechen des Herrn geglaubt. Il a cru à la promesse de Jésus-Christ. Let us believe him. Lass uns den Herrn glauben. Und croire notre Père. Let us believe him for all his promises. Lass uns ihn glauben für all seine Versprechen. Und croire Dieu pour toutes ses promesses. The glory will always go to him alone. Der Sieg wird immer allein an ihm gehen. Amen. Parce que la gloire ça part toujours à Dieu lui-même. Amen. You know, people can save you before the fire. Leute können dich vor dem Feuer retten. Et les gens peuvent te sauver devant le feu. Even parents can even run to your aid. Können für dich eintreten und für dich bitten und flehen, damit du nicht ins Feuer geschmissen wirst. Et même tes parents, ils peuvent même ils peuvent même te sauver même avant que tu tombes dans le feu. You know, the glory will go to the parents. Und der Sieg wird zu den Eltern gehen, an die Eltern gehen. Et la gloire ça part toujours à tes parents. Is somebody getting it? Amen. But in the fire, who can save you? Wer kann im Feuer retten? Mais qui peut te sauver si quand tu te trouves des gens dans le feu? Even your parents, they will run away from fire. Selbst deine Eltern werden vor Feuer. Because they will be burned. Denn sie werden auch mit verbrannt. Parce que même tes parents vont fuir parce que s'ils essaient de te sauver quand tu te trouves déjà ou dans le feu, ils vont même être brûlés eux-mêmes. But there's only one person that can walk in the fire. Aber nur einer kann im Feuer wandeln. Mais il y a seulement une personne qui peut marcher ou bien oui marcher. That is above that fire. Über diesem Feuer steht. Qui surmonte ce feu. That fire, that even that fire bowed down before him. His fire kneels sogar vor ihm nieder. Et même ce feu se soumet à Jésus-Christ. That person is Christ Jesus alone. Cette personne est Christ Jésus alone. Cette personne est seulement Jésus-Christ. I just give you this as introduction. Amen. More are still coming. Mehr kommt noch. Et oui, le message d'aujourd'hui c'était seulement l'introduction parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Praise the Lord. I wanted just it to be just 2-3 lines, but just okay. Just okay. Praise the Lord. Amen. So please, do we still have time for testimony?